Lorsque j'arrivais au Théâtre de Paris, la répétition était déjà commencée. Charpin et Demazis étaient en scène. Au milieu de l'orchestre, je vis Léon et la patronne siégeant côte à côte. Au premier rang, quelques acteurs qui attendaient leur tour. Rémeux n'était pas là. J'allais m'asseoir près de Léon. Il écoutait les comédiens immobiles et froids comme un marbre, et la patronne n'accordait pas le moindre sourire aux effets comiques de Charpin, qui d'ailleurs ne faisait rire personne, pas même lui. À la fin de la scène, Rémeux entra sur le plateau par le fond. Le chapeau sur la tête, son manuscrit sous le bras, il s'avança vers Charpin et dit son texte. « Oh Panis, pourquoi tu t'enfermes comme ça? C'est pour quand t'étais sous, vieux Grigou ?» Maître Panis n'eut pas le temps de lui répondre. Volterra s'était levé et il dit d'une voix forte « Monsieur Rémeux allait consulter le billet de service. » Jules, surpris, hésita un instant et sortit, car le billet de service était affiché tous les jours dans le couloir des loges. Il y eut un lourd silence. Tous les comédiens avaient lu ce billet. Il disait « Monsieur Rémeux ayant gravement manqué de respect à son directeur, son contrat est résilié. » Rémeux reparut. Il s'avança jusqu'à la rampe et dit simplement « À qui faut-il remettre le manuscrit ?»« À Monsieur Henriot, » dit Léon. Le régisseur s'avança vers Jules, qui lui tendit le gros cahier rouge, puis sans mot dire nous tourna le dos et sortit de scène. Pendant 30 secondes, personne ne parla ni ne bougea. Je courus après lui et je le rejoignis dans l'entrée du théâtre. « Jules, dis-moi ce qui se passe. »« Il se passe que M. Volterra m'a résilié. »« Dis-moi pourquoi. » »« Ça ne rangerait rien. »« Écoute, je sais bien que cette brouille ne durera pas plus de 8 jours, et ce sera 8 jours de perdu pour notre travail. » Est-ce que tu ne trouves pas que c'est ridicule? Dis-moi d'abord, qui est-ce qui a commencé? Si tu me le demandes, c'est parce que tu crois que c'est moi. Par conséquent, tu lui donnes raison. Je ne donne raison ni à l'un ni à l'autre, puisque je ne sais même pas de quoi il s'agit. Mais je sais que dans toutes vos querelles, c'est toi qui as crié le premier. C'est peut-être moi qui crie le premier, mais ce n'est jamais moi qui commence la dispute. Je crie parce qu'on me dit des choses qui me font crier. Puisque tu avoues que tu as crié le premier, c'est à toi de faire le premier pas. Si tu veux, je vais lui dire que tu regrettes ce qui s'est passé, qu'une amitié de 30 ans ne peut pas faillir aussi bêtement. Qu'en penses-tu? J'en pense que si tu tiens absolument à lui dire quelque chose de ma part, je te charge de lui affirmer que je suis heureux d'être enfin délivré de cet esclavage et que par sa perfidie, il vient de me rendre un grand service. Et ma pièce? Tu n'as qu'à la lui reprendre, je te la jouerai ailleurs. Il me quitta brusquement en faisant sonner le trottoir sous ses talons. En rentrant dans le hall, j'y trouvai Léon. Il vint vers moi, l'œil mauvais. « Qu'est-ce que t'as dit, cet imbécile ?»« Oh, évidemment, il n'est pas content. Il a été très surpris par cette décision extraordinaire, mais j'ai l'espoir qu'avant 3 jours, il reviendra s'expliquer, et sans doute s'excuser. »« Ah, ce serait amusant, dit Léon, ça me plairait de le mettre à la porte une seconde fois. »« Personne ne peut le remplacer, il nous manque déjà Freinet et Alida. Sans lui, ils vont remettre Fanny l'année prochaine. » Parce que je vous connais tous les deux. Je sais bien que tout ça finira par un grand dîner quand ce sera trop tard. Jamais, entends-tu, jamais ce monsieur ne reparaîtra dans mes théâtres, jamais. Tu peux lui dire de ma part. » Les répétitions continuèrent, le rôle de César étant lu par Henriot. Cependant, je faisais la navette entre les deux ennemis, en édulcorant grandement les déclarations que chacun d'eux me chargeait de transmettre à l'autre et qui se réduisirent très vite à des insultes, puis à des accusations aussi graves que ridicules. Naturellement, ce fut Rémeux qui trouva la plus forte. Léon aimait à raconter qu'au temps de sa jeunesse, il avait été marchand de programmes à la sauvette devant les théâtres et les music-halls. Ces programmes, imprimés sans autorisation par un entrepreneur pirate, faisaient une concurrence déloyale à ceux de l'établissement. Parfois, la police conduisait au poste les vendeurs. Les jours de rafle, Léon y retrouvait plusieurs confrères. Un garçon du bar voisin leur apportait de la bière, il commençait alors une belote, et le brigadier de service arbitrait les coups douteux. À minuit, on le libérait, sans autre sanction. « Ça nous arrivait une ou deux fois par mois, » avait dit Léon. « C'est pourquoi, à ma 5e tentative de conciliation, comme je demandais à Jules de réfléchir et de reconnaître qu'il n'avait jamais eu l'intention d'insulter son directeur, il répliqua, « Tu dirais à ton ami que jamais je ne retournerai me mettre sous les ordres d'un pilier de commissariat de police. » Ils finirent d'ailleurs par m'insulter moi-même, et j'abandonnai la partie, mais je méritais à mon tour. Mon cher Léon, dis-je, votre querelle est peut-être très intéressante, mais je ne veux pas en faire les frais, car nous courons à un four. Je retire donc ma pièce, je vous la rendrai quand vous serez réconciliés. Tu ne me la rendras donc jamais. Dans ce cas, je la présenterai dans un autre théâtre, dont le directeur fera passer l'intérêt de l'ouvrage avant ses querelles personnelles. C'est-à-dire que tu prends le parti de ton ami Rému? En aucune façon. Le parti que je prends, c'est le mien, et je vous retire Fanny. Je te remercie de ta gentillesse, mais je dois te signaler que tu commets une erreur. Crois-tu que tu as le droit de me reprendre ta pièce? Certainement. La distribution devait être faite d'un commun accord, elle a été faite. On n'y peut plus rien changer sans l'assentiment des deux parties. Or, je refuse le mien et je reprends mes droits. Léon fit un petit sourire. Tu ignores donc ce que dit le contrat entre les directeurs et la société. Il précise que si un acteur de la troupe n'obéit pas au directeur, celui-ci a le droit de le remplacer par un autre acteur que l'auteur devra désigner. J'attends donc ton choix. Et si je refuse de choisir? Tu devras me rembourser d'abord tous les frais engagés, plus une indemnité pour les bénéfices que je pouvais espérer. On les évaluera d'après ceux de Marius, qui sont considérables. D'autre part, il te faudra indemniser tous les comédiens pour les répétitions et payer leur salaire pour 30 représentations. Remarque que je suis bon prince. Si tu veux véritablement prendre à ta charge tous ces frais, donne-moi 3 millions et n'en parlons plus. Cette somme en 1931 correspondait à bon nombre de millions d'aujourd'hui. Mon agent Morazzani me dit que la demande était peut-être exagérée, mais qu'elle était solidement fondée et qu'il valait mieux capituler.